الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لونج تا ديو سينيور دي زونيفير، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين. لي بريير لي سالوتاسيون سون سور ليمير دي بروفيت اي دي انفويي. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. إجاتيس كيل نيا أوكون ديفينيتي أبار ديو tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-Sadiq al-Amin. J'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Ayyuha al-ikhwatu wal akhawatu fi ad-din, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس السابع. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du messager de Dieu, prière et salut sur lui, avec le cours numéro 7. وكلامنا اليوم أو في هذه الليلة سيكون عن جده عبد المطلب. Le thème d'aujourd'hui sera le grand-père du prophète, prière et salut sur lui, ça veut dire Abdul Muttalib. فهو من الذين ربوا النبي صلى الله عليه وسلم. Il fut parmi ceux qui ont éduqué, qui ont élevé le prophète, prière et salut sur lui. ولا يمكن الكلام عن السيرة. On ne peut pas parler de la sira, de la biographie, من غير كلام عن النسب الشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم. Sans avoir abordé auparavant la lignée chérifienne noble de Muhammad, prière et salut sur lui. وعن بعض أجداده ومن بينهم عبد المطلب. Et de la même manière, on aborde, pour parler de la sira, on doit aborder quelques-uns de ses arrière-grands-parents, et parmi eux, عبد المطلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, prière et salut sur lui, dit: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. Certes, Dieu a élu, a choisi, a sélectionné parmi les enfants d'Abraham Ismaël. Il a choisi Ismaël parmi, il l'a sélectionné parmi les enfants d'Ibrahim. واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. Et il a élu parmi les enfants d'Ismaël les enfants de Kinana. واصطفى من بني كنانة قريشا. Et il a élu parmi les enfants de Kinana Quraysh. واصطفى من قريش بني هاشم. Et il a élu parmi les enfants de Quraysh les enfants de Hashim, Banu Hashim. واصطفاني من بني هاشم. Et il m'a élu à partir des enfants de Hashem. رواه الإمام مسلم والترمذي. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Tirmidhi. إذن فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعنى المختار. Ça veut dire il est l'élu, il est le choisi, prière et salut sur lui, par Dieu subhanahu wa ta'ala. اصطفاه الله واختاره من بين الخلق. Dieu l'a élu, l'a sélectionné, l'a choisi à partir de toutes les créatures. فهو حبيب الحق وسيد الخلق. Il est le bien-aimé au créateur et il est la meilleure créature. هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. Il est Muhammad, prière et salut sur lui, fils de Abdullah, son père s'appelait Abdullah. ابن عبد المطلب, fils de عبد المطلب. Ibn Hashim, fils de Hashem, dont on a parlé tout à l'heure. Ibn Abd Manaf, fils de Abd Manaf. وتمشي هكذا السلسلة الشريفة إلى عدنان. Et ainsi, la chaîne de la lignée chérifienne et noble va partir jusqu'à la personne qui s'appelait Adnan. حتى تصل إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Et elle va continuer jusqu'à arriver à partir de Adnan vers Ismaël, prière et salut sur lui, fils d'Abraham, prière et salut sur lui. ويسمى النبي عليه الصلاة والسلام عدنانيا. نسبة لعدنان، النبي يسمى العدناني، عدنان بالنسبة لجده، هذا جده الذي كان اسمه عدنان. Le prophète prière et salut sur lui s'appelle de la même manière adnanique par référence à Adnan. ويسمى هاشميا نسبة لهاشم. Et on l'appelle aussi hachimique par référence à Hachem. فهو العدناني الهاشمي القرشي المكي المدني إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير بمعنى هاشم تولى شرف خدمة الحجيج في فترة الحج. Ce dernier, ça veut dire Hachem, a eu l'honneur de servir les pèlerins pendant la période du pèlerinage. وكان غنيا, il fut très riche. وهو أول من سن الرحلتين. Il était le premier à établir les deux voyages pour les Quraishites. الرحلتين لقريش, رحلة الشتاء ورحلة الصيف, le voyage d'hiver et le voyage d'été. وخرج مرة إلى الشام تاجرا. Hachem, une fois, il se dirigea vers la Sichem, vers la Palestine, en tant que commerçant. فلما وصل المدينة, lorsqu'il arriva à Médine, la ville du prophète, prière et salut par la suite, تزوج في المدينة سلمى من بني النجار. Il se maria à Médine avec Salma, la femme qui s'appelait Salma, parmi les enfants de la tribu An-Najjar. ثم أكمل طريقه إلى الشام. Après ce mariage, il continua son chemin vers la Sichem, vers la Palestine. فمات بفلسطين. Et il décéda en Palestine. وولدت من بعده سلمى عبد المطلب. Salma a donné naissance, après le décès de son mari Hachem, elle a donné naissance à ce bébé qui s'appelait Abd al-Muttalib, qui deviendra le grand-père du prophète prière et salut. وربته في يثرب, اسم المدينة قبل الإسلام. Elle va l'éduquer, elle l'a élevé dans cette ville Yathrib, le nom de Médine avant l'islam. وترك هاشم أربعة بنين وخمسة بنات. Hachem a laissé derrière lui, après sa mort, 4 fils et 5 filles. وتولى شرف خدمة الحجيج من بعد هاشم أخوه المطلب ابن عبد مناف. Après le décès de Hachem, c'est son frère المطلب, fils de عبد مناف, qui a eu l'honneur après lui de servir les pèlerins pendant la période du pèlerinage. وكان شريفا, il fut aussi un noble, un chérifien, ومحبوبا من قومه, et il a été bien aimé par ou de la part de son peuple. فلما بلغ عبد المطلب سبع سنوات, lorsque عبد المطلب atteignit l'âge de 7 ans, أتى به عمه المطلب من عند أمه سلمى بالمدينة. Son oncle المطلب, qui est devenu le chef de la Mecque, est parti le ramener de Médine à l'âge de 7 ans pour le ramener vers lui à la Mecque. فلما رآه المكيون مع عمه ظنوه عبدا لعمه ظنوه عبد أتى به من المدينة أو أتى به من بعض النواحي. Lorsque les Mecquois ont vu pour la première fois Abdul Muttalib venir de Médine accompagné de ce petit, ils ont cru que c'était un serviteur à lui qu'il a acheté dans les régions de la Mecque, et ils l'ont appelé serviteur de l'Muttalib. Serviteur, ça veut dire abd. En arabe, on dit abd al-Muttalib, l'esclave ou le serviteur de l'Muttalib, abd al-Muttalib. يعني ظنوا بأنه عبد فسموه عبد المطلب هذا الذي أتى به. فقالوا له عبد المطلب. Et ils l'ont nommé, ils lui ont donné ce surnom de عبد المطلب, serviteur de المطلب. فصحح المطلب قائلا, et المطلب a corrigé en disant, ويلكم إنه ابن أخي هاشم. Malheur à vous, il s'agit du fils de mon frère Hachem. وهذا سبب اسمه عبد المطلب. Donc c'était la raison de son appellation عبد المطلب. فربه عمه, et c'est son oncle Al-Muttalib qui l'a élevé, c'est-à-dire qui a élevé Abd al-Muttalib. وَلَمَّا مَاتَ الْمُطَّلِبُ بِالْيَمَنِ فِي رِحْلَةِ الشِّتَاءِ, lorsque Al-Muttalib, l'oncle est décédé au Yémen pendant le voyage d'hiver, akhadha makanahu Abdul Muttalib, c'est Abdul Muttalib qui a pris sa place, son pouvoir dans la Mecque, wa sara lahu sharaf khidmat al-hajjaj, et il a eu ce grand honneur à lui aussi de servir les pèlerins, d'être au service des pèlerins pendant la période du pèlerinage. Washtahara fi qawmihi, il est devenu célèbre, très célèbre dans son pays, la Mecque. Fahtaramuhu wa ahabbuhu, ils l'ont respecté, ils l'ont bien aimé. Wasara lahu nufud bi Makkah, et il a eu un grand pouvoir par la suite dans la cité de la Mecque. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Yaf'alu ma yasha, il fait ce qu'il veut. Yudhillu man yasha, il déshonore qui il veut. Wa yu'izzu man yasha, et il honore qui il veut. Yughni man yasha, il enrichit qui il veut. Wa yufqiru man yasha, et il appauvrit qui il veut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, et aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Akhawani Hashim wal Muttalib, deux frères, Hashim et Al-Muttalib. Asha Za'imani, ils ont vécu, ils ont passé une vie de chef. Hashim mata bi Falastin, Hashim a connu la mort dans la Palestine. Wal-Muttalib mata bil Yaman, et l'autre frère, l'autre chef après lui, a connu la mort dans le Yémen au sud. Hashim dhahaba ila al-Madina, Hashim est parti vers Médine. Liyatazawwaj Salma, afin de se marier avec Salma. فتلد له عبد المطلب, et pour que celle-ci lui donne naissance de عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم, grand-père du prophète, prière et salut sur lui. أرأيتم كيف يتصرف الله في ملكه, avez-vous vu comment Dieu agit dans son royaume? لا إله إلا الله, il n'y a aucune divinité à part Dieu. لو لم يسافر إلى المدينة, s'il n'a pas fait ce voyage vers Médine, لَمَا تَزَوَّجَ سَلْمَا, il ne serait pas marié avec Salma. وَلَمَا وُلِدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, et il n'y aurait pas la naissance du prophète, prière et salut sur lui. أَرَأَيْتُمْ إِلَى الْأَقْدَارِ, avez-vous vu comment le destin se joue? وَكَمْ مِنْ وَاحِدٍ يَقْلَقْ وَيَغْضَبْ, et combien parmi nous d'hommes, de femmes qui s'inquiètent, qui devient en colère, qui se fâche? لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِالَّتِي يُحِبْ, parce qu'il ne s'est pas marié avec celle qu'il voulait. أخي, أختي, frère, sœur, اصبر, patience, patiente-toi. لا تيأس, ne désespère pas. رزقك وزوجتك وأجلك وأولادك, ta subsistance entière, ta femme, l'année de ta mort, tes enfants, كل ذلك مكتوب عند الله, tout ceci est bien inscrit auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. قبل خلق السماوات والأرض, tout ceci a été inscrit auprès de Dieu avant même la création des cieux et de la terre. فقط ثق بالله, seulement aie confiance en Dieu. فلن يأكل أحد رزقك, aucun individu ne peut manger ta nourriture ou ta subsistance, ou prendre à ta place ta subsistance. Il n'y aura aucune erreur dans les calculs de Dieu. Et aucun homme ne peut se marier avec ta femme à ta place. Et aucune femme ne peut se marier avec ton mari ou ton homme à ta place. Et Abd al-Muttalib est né en tant qu'orphelin dans Yathrib, dans la Médine. La ya'rifuhu ahadun fi Makkah, aucune personne ne le connaissait dans la Mecque. Baynahu wa bayna Makkah 500 km, entre lui et la Mecque il y a 500 km. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Yutil mulka man yasha, il apporte le pouvoir ou la royauté à qui il veut. Wa yanza'uhu mimman yasha, et il l'enlève à qui il veut. Idha arada rabbuka shay'an, quand ton Seigneur décide de quelque chose, innama yaqulu lahu kun fayakun, il dit à celle-ci soit et elle devint réalité. Wal yatim al-gharib, et cet orphelin, étranger, الذي مات أبوه بفلسطين, dont le père est décédé dans la terre de la Palestine, وكبر بالمدينة, et qui a grandi à Médine, يعود لمكة. أراد له الله أن يعود لمكة ليصبح فيها زعيما. Dieu, ton Seigneur, a voulu pour lui qu'il revienne à la Mecque pour devenir ou redevenir dans la Mecque un chef à la place de son père et de son oncle. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Subhana dil arsh, subhanan yadoumu lahu, wa qablana sabbaha al-joudi wal-jamadu, مسخر كل ما تحت السماء له لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد لا شيء مما نرى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان إذ تجري الرياح به والجن والإنس فيها فيما بينها مرض أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد ماتت الملوك ماتت الملوك ومات الوافد ولا يبقى إلا الواحد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد ماتت الملوك ومات الوافد ولا يبقى إلا الله الواحد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد هذه الأبيات لورقة بن نوفل كان يذكرها ويذكر بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بين الحين والآخر يا رب أو سينيور لماذا ولد عبد المطلب في المدينة وليس بمكة pourquoi عبد المطلب نكي à Médine et pas dans la Mecque ولماذا أمه سلمى مدنية وليست مكية Et pourquoi sa mère, Salma, est médinoise et non pas mécoise ? Afham al-jawab min al-tarikh. Je comprends la réponse à partir de l'histoire. Kay yakuna aba'uhu makkiyun. Afin que ses pères soient mécois. Wa akhwaluhu madaniyun. Et afin que ses oncles maternels soient médinois. Ya tarikhu lam nafham limadha. Ô histoire, on n'a pas encore compris. Précise encore bien hatta idha rafada al-makkiyun Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yusafiru ila baladi akhwalihi bil Madina comme ça dans le cas où les Mécois refusent de croire en lui en tant que prophète et messager il va un jour voyager vers la terre de ses oncles maternels vers Médine la ilaha illallah il n'y a aucune divinité à part Dieu ara'aytum kayfa yudabbiru Allahu al-umur avez-vous vu comment Dieu programme les choses wa ba'da 120 aman taqriban et après 120 ans à peu près yuhajiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila baladi jaddatihi salma Le prophète, après 120 ans à peu près, le prophète, prière et salut sur lui, va immigrer ou va voyager vers la ville de sa grand-mère, Salma. Wa akhwalihi bani Najjar et vers ses oncles maternels, la tribu des enfants de Najjar. Akhi, ukhti, frère, sœur, sallim lahu l'amr. Laisse-le décider à ta place. Laisse-le agir et programmer à ta place. Et dort tranquille. Saharat a'yunun wa namat a'yunu fi shu'unin takunu aw la takunu inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi ghadin ma yakunu. Saharat a'yunun wa namat a'yunu fi shu'unin takunu aw la takunu inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi ghadin ma yakunu. Lal amru amri ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. لا تدبر لك شأنا فأولو التدبير هلك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. وتزوج عبد المطلب بسمراء. عبد المطلب avec les années s'est marié avec la femme qui s'appelait سمراء. Ça veut dire en français brune. سمراء. وولدت له الحارث. Et lui a donné, ou il a donné naissance pour lui de cet enfant, ce bébé qui s'appelait Al-Harith, ce fils, le premier fils de Abdul Muttalib qui s'appelait Al-Harith. Arafna jad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous avons connu le grand-père du prophète, prière et salut sur lui, Abdul Muttalib. Faman hiya jaddatu? Qui est sa grand-mère? Hal Samra'u hatihi hiya jaddatu? Est-ce que Samra, celle-ci, est bien sa grand-mère? Al-jawab la, la réponse non. لم يعرفها بعد عبد المطلب. عبد المطلب n'a pas encore fait sa connaissance. Ça veut dire avec la grand-mère du prophète, prière et salut sur lui. وكبر الحارث. Et le premier fils de عبد المطلب, الحارث, a grandi. ونام عبد المطلب عند الكعبة. Une fois عبد المطلب a dormi à côté de la كعبة. في القيلولة, pour faire sa sieste. فأتاه آتم في المنام. Et quelqu'un est venu le voir, lui rendre visite dans un songe. Quelqu'un qui est venu, ça veut dire de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ لَهُ اِحْفِرْ زَمْزَمْ وَبَيَّنَ لَهُ مَوْضِعَهَا. Et lui dit de creuser le puits ou la source de Zamzam, et lui a indiqué l'endroit de Zamzam. تَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَوْجَتَهُ هَاجَرَ وَابْنَهَا إِسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرَّضِيعَ. Abraham, je reviens un peu à travers, je fais un voyage rapide à travers, comment dire, le temps. Abraham, prière et salut sur lui, a abandonné sa femme Agar ou Hajar, accompagné de son bébé Ismaël, prière et salut sur lui, fille Mecca dans la Mecque, ou Adarajian il Shem. Et il est revenu où il a pris la direction de la Sichem, la Palestine. Wazawjatuhu Hajar tatba'u, sa femme Agar, le suivait, s'accrochait, s'attachait à lui. تَتَعَلَّقُ بِهِ لَا تَتْرُكْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. Ne nous laisse pas seuls, ou Abraham. Dans la Mecque, il n'y avait personne à part la mère Agar et le petit Ismaël, prière et salut sur lui, et le notre grand Abraham, prière et salut sur lui. فَلَا يُجِيبُهَا. Et Abraham ne répondait pas. وَتُؤَكِّدْ عَلَيْهِ فَلَا يُجِيبُهَا. Une autre fois, et une autre fois et d'autres fois, Agar insistait auprès de son mari, ne nous laisse pas seuls, ô Abraham, ne nous laisse pas seuls. فلا يجيب. Et il ne répondait pas. وفي الأخير قالت له. Et à la fin, elle lui a dit, à Allah أمرك بهذا. Est-ce que c'est ton Dieu ou c'est Dieu qui t'a ordonné ceci? Ça veut dire de nous laisser seuls. قال نعم. Il a répondu oui. فقالت أمنا هاجر المصرية عليها السلام. Et notre mère Agar l'égyptienne, que les salutations soient pour elle. إذن لا يضيعنا الله. Donc Dieu ne nous laisse pas tomber. Donc Dieu va bien se charger de nous. إبراهيم عليه السلام من العراق. Abraham, prière et salut sur lui, était d'origine irakienne. وهاجر من مصر. Et Agar, une égyptienne. ويذهب إبراهيم عليه السلام من العراق حتى مصر. Et Abraham, prière et salut sur lui, est parti dans son grand voyage à partir de l'Irak, de Babel, vers l'Égypte. ليتزوج زوجته الثانية. وكانت له زوجة. ليتزوج الزوجة الثانية. Donc elle est partie de l'Irak vers l'Égypte. Et en Égypte, il s'est marié avec sa deuxième femme, Agar, لِتَلِدَ لَهُ إِسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطِّفْلَ الْأَوَّلِ, afin que cette dernière donne naissance à son premier fils, Ismaël, prière et salut sur lui, جَدْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ismaël, prière et salut sur lui, le grand-père de notre prophète Mohammed, prière et salut sur lui, ou Abba al-Arab, est le père de tous les Arabes. Fajaddat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam misriya. Donc la grand-mère, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère du prophète, prière et salut sur lui, était une égyptienne. Wa zawjatun min zawjati an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam misriya kadhalik, wa hiya Maria radiyallahu anha. Et il y avait parmi les femmes, parmi les épouses du prophète, prière et salut sur lui, une égyptienne qui était Maria ou bien Marie. Lihada awsa an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour cette raison le prophète, prière et salut sur lui, a laissé un testament. Idha fatahtum Misr, quand vous ouvrez, quand vous arrivez en Égypte en tant que conquéreur, istawsu bi ahliha khayran, comportez-vous ou bien, ou ayez un bon comportement et une bonne relation avec les habitants de l'Égypte. Fa inna lahum nasaban wa sihran, parce qu'ils ont auprès de nous une lignée et une alliance. Bima'na jaddati min Misr, ça veut dire ma grand-mère est une égyptienne, wa zawjati min Misr, et ma femme est une égyptienne. Wa baqiyat Hajar wahdaha ma'a sabiyha, et Agar resta seule avec son bébé, wasat jibal Makkah, au milieu des montagnes de la Mecque, wa laysa hunaka ahadun illa Allah, et il y avait personne à part Dieu. Falamma ghaba Ibrahim alayhi salam an basar Hajar, lorsque Abraham, prière et salut sur lui, devint à l'abri du regard de sa femme Agar, baka wara'a al-jabal, derrière la montagne, il a pleuré pour la séparation avec sa femme et avec son cher premier fils Ismaël. Lamma takhabba wara'a al-jabal baka ala firaq zawjatihi wa ala firaq waladihi wa da'a Allah lahumā, et il a fait une prière pour les deux. Wa dhahab, et il est parti avec, en ayant une grande confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cet ordre. Mutawakkilan ala Allah, il est parti en s'en remettant à Dieu. Wa baka as-sabi, et le jeune, le bébé, a pleuré. Wa dhahabat Hajar, parce qu'il avait besoin de l'eau. Wa dhahabat Hajar tabhat an al-ma, et Agar est parti chercher l'eau. Falamma ta'ibat raja'at wa raja'at وجدت بان الماء خرج بجانب رجل الصبي المبارك عليه السلام. Elle est partie chercher, et après être fatiguée sans avoir trouvé l'eau, elle est revenue et elle était étonnée de trouver que l'eau est sortie à partir du sol à côté du pied de ce bébé béni, prière et salut sur lui. فقالت للماء زمزم, et elle a dit à l'eau qui sortait avec un grand débit, elle avait peur que son enfant soit noyé par l'eau, elle commençait à dire à l'eau, arrête, arrête, ou bien ferme à la source, ferme-toi, ferme-toi, zam, zam. Khaifa min fayadanihi, lihada summiya ma'u zam zam, raison pour laquelle on l'a appelé source ou bien eau de zam zam. Wa sarat tilka al-bi'r masdaran lil-hayat, ce puits est devenu une source de vie. Li Hajar wa ibnaha, pour Agar et son fils, wa baqiyat mi'at as-sinin li abna'ihi wa dhurriyyatihi, et cette source est restée pendant des centaines d'années pour ses enfants et sa descendance, hatta rudimat 'amdan wa intiqaman, jusqu'au jour où elle a été détruite, remplie de terre et de pierres, volontairement et par vengeance, ithra ihda al-hurub, ceci était par la suite ou à la suite d'une guerre, baina qabilatayn, une guerre qui a eu lieu entre deux tribus. Wa baqiyat mutammara, la source resta ou restait pendant des siècles et des siècles fermée, inconnue, personne ne savait plus où est son lieu, où est sa place. La ya'rifu ahadun makanaha li mi'at as-sinin, et ceci a duré des siècles et des siècles. Wa min al-ghad raja'a Abdul Muttalib ila al-Ka'ba, et dès le lendemain Abdul Muttalib revint vers la Kaaba et a dormi à côté d'un de ses coins pour faire sa sieste, fil qayloula, fa'atahu al-ati fil manam, et la même personne qui l'a visité hier dans le rêve ou dans le songe est de retour, وَأَمَرَهُ بِحَفْرِ زَمْزَمْ et lui a dit dans le songe de creuser Zamzam et lui a précisé son lieu, le lieu de Zamzam. وَبَيَّنَ لَهُ مَوْضِعَهَا وَفِي الْيَوْمَ الثَّالِثِ le troisième jour صَارَ نَفْسَ الشَّيْءِ فِي الْقَيْلُولَ il y a eu la même chose, la même, le même songe pendant la sieste. فَصَمَّمَ الْعَزْمَ عَلَى حَفْرِهَا à ce moment-là, il a cru à ce qu'il voyait pendant trois jours et il a eu l'intention ferme de creuser et de faire ressortir à nouveau l'eau de Zamzam, cette eau bénie. وَبَدَأَ وَمَعَهُ إِبْنُهُ الْحَارِثِ il a commencé à creuser accompagné de son fils Al-Harith. فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْمَاءِ كَبَّرْ lorsqu'il arriva au niveau de l'eau, il a dit Allahu Akbar. فَجَاءَتْ قُرَيْشِ tous les Quraishites sont venus. وَقَالُوا بِئْرُ أَبِينَ إِسْمَعِيلِ et ils lui ont dit c'est le puits de notre père Ismaël. لَنَا فِيهَا حَقٍ on a un droit dans, ce, dans cette eau. فَأَشْرِكْنَا مَعَكَ tu dois nous associer à, comment dire, à cette eau. قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ Abdul Muttalib leur dit لَا non, مَا أَنَا بِفَاعِلِ je ne vais pas faire. فَاتَّفَقُوا عَلَى التَّحَاكُمْ إِلَى كَاهِنَ بِأَبْوَابِ الشَّامِ et ils se sont mis d'accord pour aller et prendre comme juge une devineresse, une voyante qui habitait aux portes de la Sichem. وَفِي الطَّرِيقِ dans le chemin, ou lors du chemin pour aller vers la devineresse, نَفَذَ الْمَاءُ ils n'avaient plus d'eau. L'eau qu'ils portaient avec eux a été toute consommée. وكانت الحرارة في الصحراء et il y avait une grande chaleur dans, dans le comment dire le désert وأشرفوا على الموت عطشا et ils allaient tous mourir par soif وإذا بالماء يخرج بجانب رجل عبد المطلب et tout à coup l'eau est sortie à côté du pied de عبد المطلب فكبر عبد المطلب عبد المطلب lorsqu'il vit l'eau il a dit الله أكبر وكبر القرشيون بعده et tous les Quraishites ont dit Allahu Akbar à côté de lui وشربوا الماء et ils ont bu de cette eau وكما أعتق الله الجد إسماعيل عليه السلام من الموت بالماء يخرج عند رجليه et comme Dieu une fois a sauvé le grand-père de Abdul Muttalib le grand-père qui était Ismaël en lui donnant l'eau qui sortait à côté de son pied l'eau de Zamzam أعتق الله الابن عبد المطلب de la même manière Dieu a sauvé le fils ou le petit-fils Abdul Muttalib avec l'eau qui sortait juste à côté de son pied فلما رأت قريش ذلك lorsque les Quraishites ont vu cette scène قالوا له ils lui ont dit إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات بهذه الصحراء هو الذي سقاك ماء زمزم ils lui ont dit certes celui qui t'a donné à boire de cette eau au milieu de ce grand désert est le même qui t'a donné l'eau de Zamzam ça veut dire c'est Dieu qui t'a choisi c'est Dieu qui t'a élu pour recevoir l'eau de Zamzam وَرَجَعُوا جَمِيعًا إِلَى مَكَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَهَابٍ إِلَى الْكَاهِنَةِ et ils ont rebroussé chemin sans finir leur voyage jusqu'à la Sichem pour voir la devineresse وَمِنْ جَدِيدٍ بَدَأَ الْحَجِيجُ يَشْرَبُونَ مَاءَ زَمْزَمْ مِنْ يَدَيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ et à nouveau les pèlerins ont commencé à boire l'eau de Zamzam à partir des mains de cet homme qui s'appelait عبد المطلب ومن بعده إلى يومنا هذا et à partir de عبد المطلب jusqu'à nos jours والآن مليونان من الحجاج et maintenant il y a à peu près 2 millions de pèlerins يشربون الآن فيها في الحج qui boivent tous de cette eau de Zamzam pendant le père. Imaginez 2 millions de personnes. Ce n'est pas 200, ce n'est pas 2000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 200 000 personnes, mais 2 millions pendant le pèlerinage qui boivent de l'eau de Zamzam. يشربون الآن من ماء زمزم. وفي رمضان, et pendant le mois de Ramadan, il y a des millions qui vont là-bas pour faire le Ramadan là-bas et boivent tous de l'eau de Zamzam. ملايين في رمضان تذهب لمكة ويشربون من ماء زمزم وفي العمرة طول السنة et les gens pendant des milliers de personnes qui font la umra le petit pèlerinage à travers toute l'année qui vont là-bas et pendant toute l'année il y a des gens qui boivent l'eau de زمزم ويأتون بالماء إلى بلدانهم des gens qui ramènent aussi l'eau avec eux je ne sais pas combien chacun apporte 2 litres 10 litres 20 litres 16 litres de Zemzem multiplié par 2 millions, et ceci pendant toute l'année et pendant des années, pendant des siècles, ولم تنزف, et l'eau n'a pas été épuisée. هذا دليل على أنها مباركة. Là, il y a une preuve que cette eau est bénie. هذا دليل على وجود الله تعالى وتبارك. Ceci est une grande preuve de l'existence de Dieu سبحانه وتعالى الذي بارك, ce Dieu qui l'a rendu béni. وهذا دليل على صحة قصة إسماعيل عليه السلام. Et ceci est une preuve ou un argument de l'authenticité de l'histoire de notre grand-père Ismaël. Prière et salut sur lui. فزمزم آية دائمة من آيات الله. زمزم est un signe permanent parmi les signes de Dieu سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما شرب له. إذا كانت لك نية وشربت بتلك النية الماء بدعائك وبسم الله إلى غير ذلك, فالله يقضي ما تريد ببركة ماء زمزم, بالبركة الإلهية. فماء زمزم بركته أتت من الله تعالى وتبارك. الحديث رواه ابن ماجة وأحمد وابن حبان صح, الذي صححه. Donc le prophète prière et sur lui dit dans un hadith, l'eau de Zamzam est utile à tous ceux pourquoi elle est bu. Ça veut dire, si tu as une intention et si tu mets dans ta tête ton intention, tu dis Bismillah et tu bois l'eau de Zamzam, Dieu va réaliser ton vœu ou ton intention. Rapporté par Ibn Majah, par l'imam Ahmed, et rapporté aussi par Ibn Hibban qui l'a authentifié, qui a authentifié ce hadith. Bima'na, man sharibahu bi niyyat ash-shifa, shafahullah. Ça veut dire, celui qui va boire l'eau de Zamzam avec l'intention de la guérison, Dieu va le guérir. Ou bi niyyat an-nasr, nasarahullah. Ou celui qui boit l'eau de Zamzam avec l'intention de la victoire, Dieu va lui accorder sa victoire. Ou bi niyyat talab min al-matalib, qadahullah. Ou celui qui va boire l'eau de Zamzam avec l'intention ou avec une demande à Dieu subhanahu wa ta'ala pour réaliser quelque chose, Dieu va réaliser sa demande. In kunta atchanan zala atashuk. Si tu as la soif, ta soif sera éliminée. In kunta ja'an zala ju'uk. Si tu as faim, ta faim sera éliminée grâce à l'eau de Zamzam. Tastaqbil al-qibla, tu te diriges vers la qibla, vers l'orientation de la Mecque, wa tad'u bima shi'it. Et invoque Dieu comme tu veux. Fais à Dieu n'importe quelle prière, ce que tu veux comme prière. Tu parles entre toi et lui, et tu remplis le ventre de l'eau de Zamzam. Il ne faut pas boire un verre, mais il faut vraiment remplir le ventre de l'eau de Zamzam. Et yani tashrab litadallu, tamla al-batn, yani qul at-tadallu ma'na yasil al-ma' lid-dulu'. Ça veut dire bien remplir le ventre de l'eau de Zamzam, iddat marrat, et ceci à plusieurs reprises, wa min as-sunnah, et de la sunna, de la tradition du prophète prière et salut sur lui, al-ityanu bil-ma'i ila al-awtan, d'apporter l'eau ou une quantité d'eau vers le pays dans lequel on habite. Rawat Aisha radiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aisha, notre mère Aisha, que Dieu soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète prière et salut sur lui, akhadha ma'ahu al-ma'a min Makkah ila al-Madinah, a pris avec lui l'eau de Zamzam de la Mecque vers Médine. Rawahu at-Tirmidhi wa sahaha. Ce hadith a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi qui l'a authentifié. Wadalik, yani tashrab al-ma, ta'khud ma'ak al-ma, dalika bi niyyat al-baraka wa shifa. Tu prends l'eau, tu bois l'eau de Zamzam avec l'intention de la bénédiction qui se trouve dans cette eau et avec l'intention de la guérison. Wa fil akhir aqul. Et à la fin, je dis, mes frères et mes sœurs, ajid أن عبد المطلب يشبه رجلين. Je trouve que عبد المطلب ressemble à deux hommes. يشبه جده إسماعيل عليه السلام. Il ressemble à son grand-père إسماعيل, prière et salut sur lui. بحيث خرج له ماء زمزم عند رجله وصار زعيما لمكة. Du point de vue que l'eau de Zamzam est sortie pour lui comme son grand-père إسماعيل, et il est devenu comme son grand-père إسماعيل, il est devenu chef de la Mecque. Et il ressemble aussi à son petit-fils Mohammed, prière et salut sur lui. Il a grandi orphelin en tant qu'orphelin. C'est son oncle Al-Muttalib qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui a pris soin ou charge de lui. ولنا وقفة أخرى مع عبد المطلب في الأسبوع القادم إن شاء الله. Et on aura un autre arrêt, on va marquer un autre arrêt avec cette grande personne, عبد المطلب, la semaine prochaine, si Dieu le veut, si on reste vivant. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب بدأت اليوم هذه السنة الجديدة، اللهم أدخلها علينا باليمن والبركة والإحسان والمغفرة والإيمان والرزق والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أوقف في هذه السنة كل الحروب في البلدان الإسلامية، يا رب ارفع مقتك وغضبك وعذابك ونقمتك في هذه السنة عن كل المسلمين في كل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل هذه السنة سنة نجاح لنا ولأولادنا ولبناتنا في المدارس برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب قربنا منك في هذه السنة، اللهم زدنا قربا منك وقربا من كتابك وقربا من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. اللهم اجعلها سنة مباركة، اللهم اجعلها سنة عبادة وسنة تقوى لنا ولكل المسلمين. يا رب اغفر لنا ما مضى، يا رب اغفر لنا ما مضى في السنة الماضية وفي باقي السنين. يا رب اجعل ذنبنا ذنبا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، يا سيدي يا مولاي، جمعتنا في هذه الليلة حول سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا غدا معه وحوله أمام الحوض برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا من يده شربة كريمة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا معه وزوجاتنا وبناتنا وأولادنا وأجدادنا والمسلمين أجمعين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.